commença dans une ville tranquille, jusqu'à ce qu'un éclair bleu traverse la rue ici. Il court sur les murs et vole dans les airs, à la poursuite d'une menace qui plane sur la terre. Sonic le hérisson bleu, la star de Sega qui court comme un malade. Avec l'aide de tous ses copains, il sauvera le monde de Dr. Eggman. C'est Sonic, trop rapide, on n'a même pas le temps de voir qu'il est déjà parti. C'est qui cet éclair bleu? C'est Sonic, trop rapide. Tex le renard s'envole pour pouvoir le suivre. C'est qui cet éclair bleu qui court comme la vie? C'est Sonic. Oh yeah! Attrapant des anneaux au vol, pour pouvoir survivre si jamais il se cogne. Prenant des bouts pour faire des loopings dingues, et faire face à des robots armés de flingues. Retrouver les Chaos Emeralds, affronter Shadow et Dr. Eggman. Pour faire tout ça, un seul gars peut courir. C'est un hérisson bleu plus vite que la brise. C'est Sonic, trop rapide. Knuckles les kids, les rivales, mais maintenant alliés. C'est qui cet éclair bleu? C'est Sonic, trop rapide. Amy Rose qu'adore Sonic, mais tant pis. C'est qui cet éclair bleu qui court comme la vie? C'est Sonic. C'est Sonic.